Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mbuta voka, vieux mavo, yondo et l'histoire. Et vos yeux n'a tchouqué le mot de huit, ça suffit, bafounouma. Bangou ma bouzala kana genèse. Soso et l'élitongo est animo, ipe mobinie. Mope samouyana motonio, son amour pilouyo. Baninga tuna londo mille dolingana. Gosangana, pona lukumambo kanabiso. L'unité nationale, pona rouma la biso et mata, et mata. Babilo kota, lo kota mpata na mbangu yo dondwa, yo sala fetie. Onde kita, mwe sala zoba, elia moto mosusue. Anga moto kia pambe, wanya fataki. Anga moto kia pamba kisikia kustanie. C'est le vamano du kalamoto, Henriette Masamo na princesse Mabou. Na loba ninye, na tuna nani. Bobo mengwe beti na nou portanda konan gaite. Tchofi filandu yo ka reklamasyon na nga pasi. Koya ngai, ekomi lokole lamba ya pembe. Ata na butu, moto nyonso akomona. Kasi na lembete. Pole, pole, mama, mama, mama, mama. Ya Willy Blanchard, ma bébé. Komo nanga etika la seko na loyembo tatouage. Poke la sina silisa, na sale la te. Bata mokili ba ebise ba ebazwa. Komo nanga motangi na nyatanga soki mama te papa te. Terine Mangondo, ou Cyprien Boula. Ah. Allô, Dakin Bayeye, trouvaille, grâce Dieu. Asi komo ya langa zembo, oh, oh, oh, mobola tope mosumi. Eko tika la kase kona mino koya bato, oh, oh, kale Jesu. Blaise Gombo, na la vie na nga ya langa zembo, oh, ezanga lobanzo, na zalaka na nga imandola, nga ina milela kateo, oh, na zanga tope na zwa Robert Mazeya, na kipaka te Raymond Dangi. Yangai kaka selo sambo, malembe malembe, nale isa banana nga. Héritage ya Machuda, Naomi, héritage ya Junior, le master de papa. Héritage ya Dylan, président, héritage ya Queen, la reine des bébés. Le banze mbonga na salaka, moussala na pona. A chacun son choix, à tout le monde de Bounana, l'an 2000 et l'amour. Gaïa Mopriezo le procureur, le CMG le grand patronat, Guy Aurélien, Hugues Golondele. Ma personne n'en rata. Madame Bombolé, l'honorable Jamala, Maestro Kansebou, millionnaire de Mundele, Serge Kassanda, Yatedi Kinsala, oh, Kiyoale Goletia, Kiyoale Goletia, les reflets d'Abidjan, Ahmed Bakayoko, Konsti Eka, Yves Dembela, Yves Junior Zoko, Chanti Kotano. Anton Zabi, Christine Frico, Sidi Diallo, Hassan Koukou, Malik Fadiga, Sylvie Pereira, oh, oh, oh, Iyo, Iyo, Iyo, imensifa o ma yo yo yo yo yo yo yo ae ae elu charoufa ma belle mon continent référence jana minata Hollywood City malou mon fleuri un à Panama basse pela la type ka et pas à Joseph toujours en collection wana bié isa mwa koto Michael Ikala buluna comme atida kese you la bosse de pas kondinga Ibrahim et Chapeau Mac Manaja, Egeto Yeye, Mondo Bojan Franco, Yo, Sandala, Moje Maye Mara, Yo, La mère à Paris, Malou mère première, Beata Lempika, José Congolo, Julie Zulema, Pepe Apoua.